Le séminaire au niveau central pour apprendre les exploits immortels du dirigeant suprême Kim Jong-un, accompli pour la patrie et la révolution, et anticiper la victoire finale de la cause socialiste suivant la direction du parti, a eu lieu le 6 avril au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Ki-nam, Choi Tae-bo, Yang Hyung-so et autres cadres du parti, de l'administration, des organisations des travailleurs, des domaines de la science, de l'enseignement, de la littérature et des arts, de la presse, des établissements de la formation des cadres du parti et des hauts faits révolutionnaires du niveau central et de la ville de Pyongyang. On y a publié des dissertations sur les exploits immortels du dirigeant suprême accompli pour l'époque, la révolution, la patrie et le peuple par son éminente idéologie et sa direction énergique et des tâches et moyens posés pour anticiper la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste suivant la direction du parti.